À 4 heures du soir, quand Goriot rentra, il vit, à la lueur de deux lampes fumeuses, Victorine, dont les yeux étaient rouges. Madame Vauquet écoutait le récit de la visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissés parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. « Ma chère dame, disait Madame Couture à Madame Vauquet, figurez-vous qu'il n'a même pas fait asseoir Victorine, qui restait constamment debout. À moi, il m'a dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous épargner la peine de venir chez lui. Que mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant. Une fois par an, le monstre. Que la mère de Victorine, ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre. Enfin, les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. La petite s'est jetée alors aux pieds de son père et lui a dit avec courage qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle obéirait à ses volontés sans murmure, mais qu'elle le suppliait de lire le testament de la pauvre défunte. Elle a pris la lettre et la lui a présentée en disant les plus belles choses du monde et les mieux senties. Je ne sais pas où elle les a prises, Dieu les lui dictait, car la pauvre enfant était si bien inspirée qu'en l'entendant, moi, je pleurais comme une bête. Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme? Il se coupait les ongles. Il a pris cette lettre que la pauvre Madame Taillefer avait trempée de larmes et l'a jetée sur la cheminée en disant « C'est bon ». Il a voulu relever sa fille qui lui prenait les mains pour le lui baiser, mais il les a retirées. Est-ce pas une scélératesse? Son grand dad et deux fils est entré sans saluer sa sœur. « C'est donc des monstres !» dit le père Goriot. « Et puis, » dit Madame Couture, sans faire attention à l'exclamation du bonhomme, « le père et le fils en sont allés, en me saluant et en me priant de les excuser, ils avaient des affaires pressantes. Voilà notre visite. Au moins, il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut la renier. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. »